19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est le réalisateur de films cultes, Diva avec Richard Boringer, La Lune dans le caniveau avec Gérard Depardieu, 37-2 le matin avec Béatrice Dalle, Roselyne et les lions avec Isabelle Pascoe. Jean-Jacques Benex, dont la carrière fut à l'image d'un feu d'artifice, flamboyant et éphémère, pour reprendre les termes du Monde, s'est éteint voici peu. Son œuvre a bien entendu été couronnée de nombreux Césars. César, certes, mais il fut, à ma connaissance, le seul à toucher les moustaches de Vercingétorix dans un de ses derniers films, réalisé avec la complicité des archéologues, Les Gaulois au-delà du mythe, produit et diffusé en 2013 sur Arte. Invité dans le magazine d'archéologie de France Culture, je l'avais alors retrouvé un peu avant l'émission au zinc du café Les Ondes pour entamer une discussion gaie et enflammée qui se termina bien après notre direct. Parce que Jean-Jacques Benex a produit un des deux meilleurs films sur les Gaulois. Et afin de lui rendre hommage, nous avons décidé, chères auditrices, chers auditeurs, de replonger dans nos archives pour mieux vous les faire redécouvrir en compagnie d'un archéologue et grand témoin, Laurent Olivier. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Archéologue, proto-historien, spécialiste de l'âge du fer, conservateur des antiquités celtiques et gauloises du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, vous aviez participé à ce film, nous y reviendrons. Mais tout de suite, retour en 2013 et en studio avec Jean-Jacques Benex. Je lui avais alors demandé ce qu'il avait découvert dans son film, Les Gaulois ou l'archéologie. On l'écoute. Je dirais que l'un ne va pas sans l'autre, même si j'ai découvert d'abord les Gaulois dans mon enfance à travers les enseignements, de l'école. Et cet enseignement directement venu de la Troisième République. Le Lavis, on en parlera. Le Tour de France par deux enfants. Et ce héros extraordinaire, paradoxal, qui était à la fois invaincu et un vainqueur et qui s'appelait Vercingétorix. Et puis alors, sur le film, j'ai évidemment, même si je les connaissais déjà, mais j'ai découvert les archéologues. Et j'ai envie de dire que les archéologues sont sexy. Parce que ce sont des gens qui sont passionnés, qui sont sur le terrain, et ce sont des êtres humains. Et le fait d'être sur le terrain, confronté à des recherches, la quête donne quelque chose de plus à l'être humain, c'est-à-dire c'est la passion. C'est des gens passionnés. Alors, c'est ça que j'ai découvert, et c'est ça qui m'a enchanté. Et donc le film est un peu le fruit de cet amalgame entre la passion et ces gens que nous croyons, que je croyais connaître, qui sont les Gaulois. Ils ne sont pas un peu crispés, un peu tendus, même s'ils peuvent être passionnés et amoureux ? Non, mais ils peuvent l'être, mais ça c'est une question d'individu et de situation. Vous savez, il y en a qui sont assis sur les trésors, d'autres qui sont généreux. C'est typologie humaine. Hein, il y a des stars, il y a des modestes, il y a de tout. Laurent Olivier, beau portrait. Les archéologues sont sexy. Parce que j'avais beaucoup aimé lorsque j'ai rencontré Jean-Jacques Benex, et on le sent dans cette interview, cette espèce d'enthousiasme un petit peu enfantin. C'est un créateur et je pense que il a tout de suite capté et on s'est tout de suite trouvé sur la même longueur d'onde, lui et moi. Il avait tout de suite saisi les enjeux. Et en fait, il a compris immédiatement ce que l'archéologie contient comme processus de création, en fait. Ce qui est le cœur de la recherche. Loin de l'image poussiéreuse des vieux tessons, des vieux objets, l'idée d'une... Le mot n'est peut-être pas trop fort, l'idée d'une quête. D'une quête artistique, c'est ça, je pense qu'on était tout à fait de raccord là-dessus. Oui, ce portrait est très intéressant, d'autant que beaucoup de gens évoquent un métier de poussière, une profession poussiéreuse. Vous, qui êtes tout à la fois un homme de terrain et de musée, devez entendre régulièrement la chose, alors qu'il s'agit d'une exceptionnelle aventure pour remonter le passé. Oui, ce qui est difficile dans un musée, c'est que ce sont des objets qui ne nous parlent plus et qui ont donc besoin d'être décodés. Et en fait, ce qu'on perd, c'est la dimension d'intimité qu'ont ces objets à l'origine. Et je crois que à partir du moment où on a pris conscience de ça, le musée, au contraire, devient un espace formidablement intéressant. Laurent Olivier, écoutons ce que nous dit Jean-Jacques Benex. 20 ans d'archéologie, nous en avons plus appris que 2000 ans d'histoire. Les historiens vont vraiment pas s'en remettre de ce genre de choses. Mais non, je pense pas qu'on puisse dire ça, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait comme une sorte d'antagonisme insupportable entre l'histoire et l'archéologie. Et je pense que les deux se nourrissent. L'archéologie vient infirmer, confirmer, étayer, mais les archéologues se servent aussi de l'histoire. Et je pense qu'il y a un dialogue. Alors faire de l'un la suprématie par rapport à l'autre me semblerait un peu injuste, mais je ne suis pas ni historien ni archéologue. Laurent Olivier, archéologie et histoire, passé et mémoire, nous voici au cœur de votre thème, puisque vous avez écrit un livre, Le sombre abîme du temps, Paris au seuil. Oui, je crois que Benex touche quelque chose d'essentiel dans le rapport entre l'histoire et l'archéologie, qui parfois peut être effectivement conflictuel. Je pense par exemple à l'archéologie du passé contemporain, où on peut se demander ce que l'archéologie peut bien apporter de plus, qui ne soit déjà documenté par une profusion de films, de documents, de témoignages, etc. Ben, je dirais que l'archéologie, d'une manière toute simple, elle révèle ce que les gens ont fait et ce qu'on a fait aux gens. Et ça ouvre souvent un gouffre par rapport à l'histoire. Ça ouvre des domaines qui sont peu documentés par l'histoire. Comment les gens ont vécu matériellement. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de conflit, évidemment. Je pourrais dire que c'est des disciplines qui travaillent peut-être pas forcément sur le même type de matériaux, mais justement qui sont destinées à se confronter, à se compléter et à s'enrichir l'une l'autre. Est-ce que l'archéologie toucherait à la mémoire ? C'est fondamentalement de la mémoire. L'archéologie, en fait, l'histoire, ce que je veux dire est un petit peu ramassé, donc caricatural, l'histoire, ça travaille sur ce que les gens ont pensé, sur ce que les gens ont dit, sur ce que les gens ont interprété. Et l'archéologie, ça travaille sur ce qui reste matériellement du passé dans le présent. C'est-à-dire une présence, c'est toujours présent matériellement, et c'est un paradoxe, même si les gens qui l'ont fait ont disparu. Et c'est cette présence absente, en fait, comme l'est la mémoire qui caractérise l'archéologie. C'est qu'est-ce qui subsiste dans le passé aujourd'hui. Et c'est pour ça que donc c'est important pour les temps contemporains, cette archéologie. Oui, parce que en fait, elle révèle un pan souvent insoupçonné de cette histoire. Je pense par exemple à l'archéologie des tranchées de 14-18. On était parti en disant que l'archéologie n'allait pas obtenir grand-chose. Et finalement, on se rend compte que ça documente la manière dont les soldats ont vécu matériellement dans les tranchées et ce qu'ils ont consommé. Ça révèle finalement les prémices d'une archéologie de la consommation de masse. Quelque chose qui est assez peu documenté du point de vue historique. Donc là, l'archéologie a vraiment un rôle éminent à jouer. Et on rappellera que donc nous avions fait un sujet sur l'archéologie de Woodenny. Jean-Jacques Benex le disait, la machine à remonter le temps existe, c'est le cinéma. Certes, mais réaliser un film à partir de fouilles est une autre affaire, car il n'y a rien à filmer, tout à imaginer. On l'écoute. Et oui, c'est un peu ça la difficulté, mais c'est aussi le travail des archéologues. C'est à partir de petits éléments, de fragments, souvent détériorés, épars, qui ne sont pas toujours contextualisés, d'essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à un contexte et à le faire parler. Donc c'est un travail d'enquête. Alors pour un cinéaste, filmer ce qui n'existe pas, évidemment, ça ressemble à une gageure. Et c'est là où peut-être l'histoire peut nous intéresser. Parce que c'est une contre-proposition que petit à petit, l'archéologie vient confirmer ou infirmer. Mais il y a aussi le fait qu'on ne peut pas faire de film sans les hommes. Donc on parle des hommes, c'est gaulois, mais ce qui nous en parle, ce sont les archéologues. Donc c'est une série aussi d'hypothèses, de témoignages et de regards sur le terrain où on s'aperçoit justement que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de... on gratte, on brosse, on fouille, on est à quatre pattes sous le soleil, dans la boue. Et la patience et la longueur de temps permettent de découvrir des choses. Et puis c'est l'apport des technologies. Ces technologies qui sont aussi bien à l'hôpital que utiles pour fouiller les sols, trouver du pétrole, mais aussi voir s'il y a des fosses, des fours et quel type de restes on considère. Alors c'est un travail d'enquête. Je trouve que ça ressemble à un roman policier. Et aussi un roman policier qui débouche aussi sur de la poésie, parce qu'il y a une part de mystère. Vous êtes allé sur quel terrain? Et sur ces terrains, est-ce que vous n'avez pas vu, pour finir, quelque chose de tout en creux? Il n'y a rien à voir si ce n'est des trous, souvent. Oui, mais le creux laisse supposer qu'il y a une érection, qu'il y a quelque chose qui sort. Alors c'est justement ça où il faut se méfier, c'est comme le négatif, c'est une empreinte en négatif. Et là... le cinéaste ne peut qu'être intéressé par ça. S'il y a l'ombre, il y a aussi la lumière. Il y a les traces en creux et il y a les traces en volume. Et c'est ce jeu de modulation du terrain qui s'explique. Mais vous savez, quand vous avez un microscope atomique, vous allez aussi faire la crête et les creux des atomes. Alors c'est ce travail de l'archéologue, c'est de regarder ces pleins et ces déliés et de lire les courbes qui vont s'inscrire. C'est pour ça que c'est parfois un travail extrêmement mathématique, extrêmement complexe, pour arriver à faire parler des choses qui ressemblent à des courbes. En tout cas, vous avez un vrai regard d'archéologue, et ça, c'est vraiment c'est intéressant. C'est grâce aux archéologues. Hein, moi, je ne sais rien, je parle sous leur contrôle. En tout cas, votre film s'ouvre sur Vercingétorix dominant Alésia. Nous voici devant une œuvre de Millet figurant notre premier héros national. Vous l'avez même observé de très près, semble-t-il. Ah oui, j'ai eu la chance, avec une grue, je suis monté et j'ai touché ses moustaches. Vous voyez, c'était très impressionnant parce que... il est là tout seul en haut de ce plateau, vous voyez, il domine la plaine autour, et on peut imaginer à l'époque Jules César qui avait fait ses tranchées, qui avait encerclé ces gens qui s'étaient ou bien réfugiés ou qui pensaient les piéger, parce qu'il y a plusieurs théories là-dessus, et ce Vercingétorix qui a été fabriqué par un empereur. Oui, parce que c'est le moustache de Napoléon III que vous mais avez touché. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un paradoxe absolu, parce que Napoléon III, c'est quelqu'un qui se cherche un prénom. Et ce prénom, c'est plutôt à travers Jules César qu'il veut le trouver. Alors, il diligente une extraordinaire campagne de recherche, et il va surtout trouver Vercingétorix. Or, Vercingétorix, c'est un vaincu. Et il va être coincé entre le fait que c'est un vainqueur vaincu ou un vaincu vainqueur. Et Napoléon III, l'histoire va garder de lui l'idée que c'est un vaincu. Alors, on a ce Vercingétorix immobile au-dessus de la plaine, vainqueur, vaincu. Il dit juste une chose, ensemble, réunis, nous pouvons tout. Oui, c'est une très très belle phrase. Oui, mais c'est une phrase qu'on relit très souvent dans les campagnes électorales. Laurent Olivier, l'inscription exacte sur l'immense sculpture de Vercingétorix dominant le village d'Alice-Sainte-Reine est « La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un seul esprit, peut défier l'univers ». C'est absolument formidable. Oui, et c'est merveilleux de réentendre Benex parler de ça. C'est formidable ce qu'il dit. Je crois, peut-être pour compléter ce qu'il dit, je crois qu'on est frappé d'un syndrome du colonisé, c'est ce que Frantz Fanon a très bien décrit. C'est-à-dire que vis-à-vis de la Gaule, on est dans la position du colonisé qui est amené à dénigrer la culture dont on vient. C'est sympa les sangliers à l'orée de la forêt, mais enfin, c'est destiné à s'effacer devant la grande civilisation. Et quand on a de grands documentaires à la télévision, ce qu'on souhaite montrer, c'est la Gaule gallo-romaine, la Gaule romanisée. Et en fait... je pense que c'est cette part enfouie qui intéresse Benex. Cette part enfouie, cette part refoulée du passé gaulois. Et je trouve qu'il en parle magnifiquement bien. Il faut aussi évoquer la statue de Bartholdi à Clermont-Ferrand, place Jaude, avec ses trois inscriptions à Vercingétorix, au héros de Gergovie, j'ai pris les armes pour la liberté de tous. Oui, c'est ce que César met dans la bouche de Vercingétorix, à plusieurs reprises hein, d'ailleurs. Hein. C'est étonnant, quand vous relisez la guerre des Gaules, le mot d'ordre des Gaulois, c'est la défense de la liberté. Et ce qu'il voit très bien, c'est que la conquête romaine, pour eux, c'est synonyme d'asservissement. Ils vont perdre cette liberté, ils vont devenir les choses des Romains, ils vont être colonisés. Et je pense qu'ils sont très conscients, enfin en tout cas, c'est ce que Camille Julian lisait dans la guerre des Gaules. On a l'impression qu'ils sont très conscients de ça, et pas seulement les Gaulois. On trouve ces mêmes mots chez les Germains, et on le trouve aussi dans ce fameux discours du chef calédonien Calgarus ou Calgaros, un discours extraordinaire donné au premier siècle de notre ère, où il dit, il incite ses braves à combattre les Romains parce que ils transforment tout en un désert, dit-il. En tout cas, nous voici au cœur du sujet Vercingétorix et César. Vaincu ou vainqueur, nous dit l'histoire. Pour votre part, vous êtes lancé dans une véritable enquête sur ce thème, dans un livre récent? Ça s'appelle César contre Vercingétorix. Et en fait, ce que j'essayais de faire, c'est un petit peu un travail archéologique, c'est-à-dire de restituer toute l'épaisseur des couches de réinterprétation du personnage. Parce que finalement, on en connaît très très peu de choses. Ça se limite à quatre mots, Vercingétorix, Arverne, fils de Celtios. Et en fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment... Enfin, c'est ça qui me passionne dans l'archéologie, dans l'histoire, c'est comment des événements du passé continuent toujours à résonner dans les présents qui viennent après eux. Et comment, finalement... Par rapport aux problèmes qui se posent dans l'actuel, on relit le passé et on y trouve de nouvelles significations. Et l'histoire de Vercingétorix depuis les 2000 ans passés, en fait, c'est ça, c'est des apports incessants de couches différentes qui fait qu'on relit autrement le personnage. Sous Napoléon III, Vercingétorix, c'est l'archétype du colonisé qui accepte sa défaite et qui s'engage de bon cœur dans la civilisation. Après la guerre de 70 et l'arrachement de l'Alsace-Lorraine, c'est pas forcément très sympathique, les guerres de conquête. 14-18, on remet une couche, si j'ose dire. Et Abdelkader. Oui, Abdelkader, le Vercingétorix algérien, qui est vu comme le pendant arabe. Et ça, c'est très présent chez Napoléon III. L'idée de se servir de l'image de la romanisation, de ce fantasme gallo-romain, comme un modèle pour la colonisation de l'Algérie. Abdelkader, prisonnier. Oui, mais Abdelkader, pas exécuté, contrairement à Vercingétorix, exécuté par César. Ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, César tente un coup de force, mener une politique personnelle, et de l'autre, Vercingétorix veut restaurer la royauté et l'ordre ancien gaulois. Donc deux projets personnels. Oui, mais deux projets qui sont beaucoup plus grands qu'eux. En fait, quand Vercingétorix se lance dans cette guerre de libération nationale, puisque finalement, c'est ça. En fait, la royauté est en perte de vitesse chez les Gaulois. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment, en fait, ils ont déjà développé tout un système de pensée de la démocratie, ça s'appelle comme ça, qui sera réinventé à l'époque des Lumières, avec la théorie de la séparation des pouvoirs. C'est quelque chose qui traverse toute la société gauloise. Cette idée que il faut absolument faire barrage à la tyrannie, comme le dit Montesquieu lui-même, en arrêtant le pouvoir par un autre pouvoir. Écoutons Jean-Jacques Benex évoquer l'histoire de France, Jules Ferry. L'histoire de France, c'est bien entendu celle des grands manuels scolaires, depuis le Lavis jusqu'à pratiquement aujourd'hui. C'est aussi, bien sûr, on en parlait, l'histoire de deux enfants. C'est aussi un texte de Jules Ferry sur la responsabilité des nations civilisées face aux sauvages. Un véritable morceau absolument extraordinaire. Ah ça, c'est un texte de Jules Ferry. Alors, on va peut-être m'en vouloir parce que ça serait résumer Jules Ferry à quelque chose qui aujourd'hui... n'est plus vu du tout de la même manière, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est que l'idée qu'on avait, c'était que les Gaulois ont été pacifiés et ont gagné la culture et ont pu vivre dans de belles villes grâce à l'apport de la civilisation romaine. Et d'une certaine façon, la Troisième République, en allant apporter à ses conquêtes d'outre-mer, a voulu faire la même chose et a pris son modèle là-dessus. D'où l'importance, on voit bien l'importance de ce monde romain et de cette victoire et en même temps de cette défaite. Justement, au-delà de cette vision, Jean-Jacques Benex veut montrer dans son film que la guerre des Gaules est aussi une guerre coloniale. C'est une guerre de conquête, c'est une guerre pour s'approprier les grandes puissances que représente la Gaule indépendante et en faire un territoire romain. C'est pour ça que, encore une fois, au risque d'être lourd, il faut insister. Il n'y a pas de Gaule gallo-romaine. C'est un fantasme d'assimilation qui n'a pour seul objectif que de justifier l'entreprise coloniale française en Algérie, d'imaginer qu'on va créer un peuple franco-algérien. D'où vient ce terme ? La Gaule gallo-romaine, c'est dans l'histoire de Jules César, de Napoléon III, qu'on trouve ça. Jean-Jacques Benex évoque aussi la possibilité d'un génocide. Le mot est bien sûr extrêmement fort, mais il y a eu quand même un nombre de morts invraisemblable. Oui, alors les historiens romains disent que la guerre des Gaules aurait représenté à environ 1 million de morts et 1 million de déportés en esclavage. Sur une population, on a du mal à fixer l'ordre de grandeur de la population gauloise. On dit entre 10 et 20 millions et certains pensent que 12 à 14 millions serait une estimation raisonnable. Donc sur cette population, ça fait un nombre de morts absolument et de déportés absolument considérable. Mais c'est pas, encore une fois, la question du génocide, c'est pas forcément dans l'ampleur du massacre, c'est dans l'intention. Et dans l'intention romaine, on le voit à plusieurs reprises, c'est de détruire les nations gauloises de manière à ce qu'elles ne représentent plus jamais un danger pour Rome. Donc ça va par la destruction de leurs institutions politiques, mais aussi par la destruction de leur population. On a plusieurs populations qui sont intégralement détruites à l'issue de la conquête romaine. Les Sénons notamment, les fameux Sénons qui ont pris Rome. Les Sénons, et puis aussi les Mandubiens, les gens qui avaient accueilli Vercingétorix dans leur oppidum d'Alésia, ils disparaissent de l'histoire. Jean-Jacques Benex écrit « Les Gaulois sont marqués par cette double appartenance au peuple de tradition orale et aux vaincus. » Laurent Olivier, nous sommes d'accord, on peut même en évoquer la conséquence. Ce seront les Romains, les vainqueurs, qui écriront l'histoire, celle-là même qui nous est parvenue jusqu'à nous. Oui, et alors là, le parallèle qui peut paraître complètement déplacé avec les Amérindiens s'impose, parce que finalement, c'est le vainqueur qui, à la fois, détruit la culture autochtone en s'emparant des terres sur lesquelles habitent les indigènes, mais qui, en même temps, enregistre. Et sans ces témoignages-là, on n'aurait pas ces sources d'informations. Ce qui fait que nos données sur le monde gaulois, nos données historiques, sont effectivement celles des vainqueurs. Elles sont effectivement vues avec les lunettes du vainqueur, mais ce sont les seules dont on dispose. Ce qui fait que cette double appartenance, en fait, c'est aussi la nôtre du point de vue de l'héritage historique. L'histoire est césarienne et pourtant sortie de nulle part, Vercingétorix ressurgit dans l'histoire pour le meilleur, souvent pour le pire. Pour illustrer ce thème, Jean-Jacques Benex envisageait une exceptionnelle archive. On l'écoute. En tout cas, Jean-Jacques Benex, vous connaissez peut-être ce film absolument historique, La visite de Pétain à Gergovie ? Oui, oui, tout à fait. Un très très grand morceau, là d'ailleurs où j'aurais aimé le monter dans Esther le film, Gâteau. Mais disons que... Il sortait un peu du cadre de la vision plus archéologique. Voilà. Donc, il y a eu des débats avec la chaîne, mais ce sont des débats sympathiques. Découvrons donc cette archive que Jean-Jacques Benex aurait aimé insérer dans son film, à savoir le journal France Actualité du 4 septembre 1942, autour de la fête de l'unité nationale. Déjà par le courage et la vaillance de ceux qui gravèrent les premières pages de notre histoire, Gergovie devient aujourd'hui le symbole de l'unité française. Sur le plateau où Vercingétorix combattit, le soleil naissant éclaire ce matin les mouvantes cérémonies organisées par la Légion des combattants. Les terres venues de tous les coins de la France et de l'Empire sont réunies dans un mausolée dont la dalle sera scellée par le maréchal. Laurent Olivier, Gergovie, symbole de l'État français fasciste ou symbole de la résistance ? les deux en même temps. Ce qui est formidable dans cette cérémonie, c'est que on veut célébrer Vercingétorix, mais sans Vercingétorix. C'est le chef qui rassemble le peuple autour de sa personne qu'on souhaite célébrer, pas celui qui résiste à l'invasion de son territoire. Et puis en même temps, Gergovie, c'est un lieu où les étudiants de la faculté de Strasbourg, les étudiants d'archéologie et d'histoire, s'installent pour mener des fouilles archéologiques sur le site et monter un des premiers réseaux de résistance. Donc, c'est ça qui est formidable, en fait. C'est que le message de Vercingétorix est toujours vivant. L'enjeu que représente Vercingétorix est toujours là. Et on voit bien comment il est réinterprété dans les événements de l'occupation. Donc le film de Jean-Jacques Benex est vraiment un excellent film. À mes yeux, deux films sont importants autour de l'archéologie celtique. Deux films dans lesquels vous avez participé. Oui, alors le second film auquel vous pensez, il me semble, c'est celui de Jérôme Prieur, le Vercingétorix, c'est ça? Enfin, les Vercingétorix, puisqu'il y en a eu trois. Et alors c'est tout à fait intéressant parce que je n'y avais pas pensé, mais ces deux-là, je pense à Jérôme et à Jean-Jacques Benex, finalement, se ressemblent dans leur perception de l'archéologie et dans leur perception du cinéma comme quelque chose d'archéologique. Le cinéma comme une machine à remonter le temps. Les images comme des vestiges. Ça, c'est le truc de Jérôme. Et finalement, c'est peut-être eux qui ont la sensibilité la plus aiguisée vis-à-vis de l'archéologie. Et c'est pas étonnant qu'ils aient fait ce genre de film. Pour conclure, Laurent Olivier, faisons-nous l'écho de Camille Julian. La Gaule n'est ni un peuple, ni un pays. C'est un idéal commun, un rêve. Oui, c'est une formule magnifique de Julian. La Gaule, c'est une idée. La Gaule, c'est un idéal. Et justement, ça vient en contradiction avec toutes les thèmes de l'extrême droite qui voudraient que la Gaule, ça soit un peuple, ça soit une race. En fait, pas du tout. Pas du tout. On peut être, tout le monde peut être gaulois à condition d'adhérer à l'idéal de la Gaule. Et ça, je trouve que c'est un message qui est toujours d'une actualité brûlante. Laurent Olivier, merci beaucoup. Redécouvrons donc les films de Jean-Jacques Benex, dont Les Gaulois au-delà du mythe, une coproduction Arte France et Cargo Film, avec l'INRAP et le CNRS Images, et bien sûr, disponible sur Arte. Laurent Olivier, je rappelle que vous avez publié Au Seuil, le sombre abîme du temps, Le pays des Celtes chez Babelio, comme César contre Vercingétorix aux éditions Bola. Dans le cadre de cette émission, je tiens à remercier personnellement Frida Benex, fille de Jean-Jacques Benex. Carbon 14 était réalisé par Nathalie Salle, à la technique Jean-Louis Deloncle et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.